On va parler des Olympiques. Les Olympiques qui ont été reportés à l'an prochain. Je pense que c'était une nouvelle vraiment qui le CIO n'avait plus vraiment le choix suite au désistement du Canada, l'Australie et d'autres pays. On en parle avec notre ami Frédéric Deck. Salut Fred. Hey, bonjour Danny. Fred, on n'avait pas le choix du côté du CIO, hein? Non, on était rendu au point là où la pression commençait à venir de tout bord, tout côté. Là, il y avait des pressions individuelles un peu, si on peut dire, dans les semaines précédentes. Certains athlètes qui s'étaient élevés contre le fait de disputer les Jeux cette année. Ou en fait, la plupart des athlètes là reprochaient au CIO de ne pas trancher, c'est-à-dire de les laisser dans l'inconnu. Okay. Et puis, mais là, on commençait à avoir des appels justement au report. Et puis là, le CIO, une fois que le Canada, qui a posé un geste très courageux avec ses comités olympiques et paralympiques en disant, nous autres, si les Jeux ont lieu le 24 juillet, on n'envoie pas personne. Et puis là, ça a fait boule de neige. Quelques heures plus tard, l'Australie a suivi, la Pologne, la Norvège. Et il y a des fédérations sportives américaines. C'est pas le comité olympique américain, mais la Fédération d'athlétisme américaine, qui est une très forte délégation en athlétisme aux Jeux olympiques, elle aussi a dit, nous autres, on n'enverra pas personne. OK. Mais là, le CEO n'avait plus le choix là, de se rendre à l'évidence. Sans manquer de respect aux autres athlètes, là, tu peux pas avoir une compétition olympique sans des Jeux d'été, là, sans l'Australie à la piscine, sans le Canada au plongeon. Sans les États-Unis à l'athlétisme, là, ça n'a juste pas de bon sens. Ben, c'est sûr. Mais, reporter, c'est la NBA, hein, parce que le basketball était très populaire. C'est parce qu'en raison de la NBA qu'on n'a pas pu reporter, hein, mettons en septembre ou même octobre. C'est déjà vu des Jeux olympiques d'été en octobre. Ben, il aurait pu, surtout à Séoul. Je sais que la NBA est populaire, mais ils auraient pu décider, tout simplement, eux autres, là, d'y aller avec un tournoi olympique avec des athlètes amateurs aussi, là, ou des moins de 23 ans peut-être, comme on voit au soccer. Je sais pas. Écoute, bien honnêtement, là, je sais pas à quel point la NBA a pesé lourd dans cette décision-là, mais oublie pas que le CIO s'est gardé une porte ouverte en disant au plus tard à l'été 2021. Alors, est-ce qu'ils vont tenir ça très tôt, le printemps prochain? Tu sais, là, ils sont laissés là, une marge de manœuvre quand même en annonçant ça de cette façon. OK. Sur les athlètes, c'est quoi les conséquences sur les athlètes? Sur les athlètes, écoute, c'est une décision douce amère, dans le sens où ceux-là que ça fait 4 ans, ceux que ça fait 8 ans, là, ou ceux que ça fait 12 ans, il y a des boxeurs là, qui s'entraînent depuis 12 ans pour aller aux Jeux olympiques, qui ont raté leur qualification de peu il y a 8 ans. Aux Jeux, on recule là, à 2012, c'est Londres qui ont raté leur qualification pour Rio, et puis qui là étaient qualifiés, mettons, pour Tokyo. Tu sais, eux autres, là, ils approchaient du but. Bon, ce n'est que reporté, mais... Pour certains athlètes en fin de parcours, comme Catherine Savard, la nageuse de Québec, elle, Tokyo, c'était pour être la fin. C'était son champ du cygne athlétique. Elle, c'est une enseignante. Elle fait aussi de la figuration au cinéma et à la télévision. Elle a un contrat qui l'attend d'enseignement pour l'année prochaine. Elle vient de finir son bac. Elle, de reporter ça d'un an, ça joue sur le reste de sa vie, dans le fond. Ben oui. Et puis l'autre portion, j'ai fait un article là-dessus aussi avec Anne Mefflinger hier, qui est la directrice générale de Annule Podium. C'était la question du financement. Ouais. Le financement des fédérations et des athlètes est fait en fonction d'un cycle olympique. Alors là, pour les Jeux d'été, il fallait prolonger ce cycle-là. Ça impliquait plusieurs partenaires. Et ça, au moins au niveau du financement, de ce côté-là, les athlètes sont assurés d'être financés là, au moins jusqu'à la fin mars 2021, qui est la fin de l'année fiscale là, pour ces organismes-là. Et dès cet automne, on va parler de prolonger le financement, au moins jusqu'aux Jeux de Tokyo, si les Jeux devaient avoir lieu, disons, en juin 2021. Penses-tu qu'il peut avoir? Parce que ça va coûter tellement cher, ça va coûter très, très cher toute cette crise-là. Penses-tu que les athlètes olympiques pourraient être coupés? Oh, j'en doute parce que l'argent est là, je veux dire, les fédérations sportives sont financées bon an, mal an. Je pense pas que c'est là qu'on va couper. En tout cas, écoute, je connais pas ces dossiers-là, là, j'ai pas de la prétention de savoir ça du tout, mais ça me surprendrait qu'on en arrive à couper le financement des athlètes et des fédérations sportives. À un moment donné, tu veux que la vie reprenne par la suite aussi, il faut que tu peux pas. Tu sais, si les fédérations sont pas financées, là, ça va faire faillite, là, tu sais, je veux dire. Puis tu veux que le sport, tu veux pas arrêter le sport au Canada après dans certains sports là, à cause de cette crise-là. Écoute, on verra si la crise dure un an, là, peut-être que la situation va changer. Mais je pense qu'avec les pronostics qu'on a présentement de quelques semaines, quelques mois, je pense que le désir est de vouloir faire, tu sais, de poursuivre là, ça comme c'est le cas présentement. Est-ce qu'il y a une. Bon, là, est-ce qu'on va statuer, j'imagine, cet automne? Parce que là, il faut qu'on se prépare quand même longtemps. Quand est-ce que tu penses que ça pourrait être qu'on Pour la remette. date, tu Ouais, veux dire? pour le. Écoute, j'imagine que là, les discussions vont se faire dans un avenir assez rapproché. Je pense que on va laisser le temps à la crise peut-être de se résorber ou de se stabiliser. Et puis là, on pourra voir exactement ce qu'on peut faire. Parce que là, tu sais, imagines-tu la France et l'Italie, les pays sont fermés présentement, là, personne ne peut se préparer pour des Jeux olympiques. Ici au Canada et puis aux États-Unis pour le moment. Les centres nationaux d'entraînement, c'est fermé. Les complexes d'entraînement, c'est fermé. Les gyms, c'est fermé. Il n'y a personne qui peut rien faire, là, présentement. Non, c'est Alors, sûr. c'est difficile de. Je parlais à Alexandre Bilodeau cette semaine. Il me disait, il n'y a personne qui a la tête aux Jeux olympiques présentement, là. Oui, les athlètes, s'entraînent parce que c'est ça leur job dans la vie, puis c'est un peu une routine pour eux autres que de s'entraîner quotidiennement. Mais personne n'a la tête aux Jeux olympiques, là. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, j'ai hâte de. Tout va dépendre aussi de quand est-ce que ça va recommencer. C'est ça qui est. Ben, c'est exactement ça. Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos activités? Parce que je pense qu'en quelque part, dans le pire des scénarios, disons, là, on peut pas avoir de grands rassemblements publics encore à l'été prochain. Non. Hey Fred, Je pense que pense. des Jeux olympiques, ça peut se tenir à huis clos avec les droits de TV qui sont payés par NBC et les autres réseaux partout à travers le monde. On est loin d'être rendu là. Mais hey Fred, penses-tu que ça va nuire, c'est sûr qu'il est encore très loin, là, au projet du retour du baseball? Écoute, si ça se prolongeait dans le temps, ça peut pas aider, hein, à un moment donné. Puis regarde, je te dis ça, puis d'un autre côté, est-ce que cette pause-là, je sais pas, va tuer le baseball à Tampa, tu sais, est-ce que les gens vont répondre présents au retour? On ne le sait pas. C'est Écoute, vrai, l'un va avec il y a l'autre aussi. tellement d'inconnus, là, c'est difficile à dire. Tu sais, le baseball continue d'espérer de livrer une saison complète cet été. Moi, je pense que c'est impossible, puis qu'on va se ramasser à disputer une demi-saison à partir du mois de juillet. Il n'y aura pas de match des étoiles, puis on va partir la saison à la date où il y aurait eu le match des étoiles. Moi, je pense que c'est ça qui Où va ça va arriver. ressembler? Ben, tu sais, c'était à la grève en 81 aussi C'est ça qu'il qu'il y y avait avait eu eu deux deux. demi-saisons. On avait commencé, je pense, avec le match des étoiles, je pense bien, hein? Oui, ça avait repris. C'est ça, peut-être que c'est. Mais. T'sais, un match des étoiles, quand il n'y a pas eu de saison, je pense que. Écoute, encore là, t'sais, il y a tellement d'inconnus, Mais non, c'est sûr. mais tous les sports vont être dans. T'sais, je lisais là l'article de mon confrère Alexandre Geoffrion-McInnis hier. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, il y a peut-être que le portrait va changer si la crise dure trop longtemps. T'sais, il y a des entreprises qui vont fermer là, à cause de ça. Ah oui, Alors, on parle de 15 à t'sais, 20 % à peu près. Ben, vois-tu, je lisais 30% aujourd'hui. Mais bon, alors disons de 15 à 30. Ça en fait quand même 3 sur 10, mettons, là. Ça en fait pas mal. Fred, toujours intéressant, on se reparle bientôt. Notre Merci, ami Dany. À la Frédéric Deck de prochaine. la Presse canadienne.